Esdras chapitre 4. Or les ennemis de Juda et de Benjamin, ayant entendu que ceux qui étaient retournés de la captivité, rebâtissaient le temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent vers Zorobabel et vers les chefs des pères, et leur dirent, « Permettez que nous bâtissions avec vous, car nous invoquerons votre Dieu comme vous faites, aussi lui avons-nous sacrifié depuis le temps des Aradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, et Jésua, et les autres chefs des pères d'Israël, leur répondirent, « Il n'est pas à propos que vous et nous bâtissions la maison à notre Dieu, mais nous, qui sommes ici ensemble, nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi que le roi Cyrus, roi de Perse, nous l'a commandé. » C'est pourquoi le peuple du pays rendait lâche les mains du peuple de Juda, et les effrayait lorsqu'ils bâtissaient. Et même ils avaient à leur gage des gens, qui leur donnaient conseil afin de dissiper leurs desseins, pendant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Car pendant le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation calomnieuse contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bislam, Mithréda, Tébéel, et les autres de sa compagnie, écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. L'écriture de la copie de la lettre était en lettres syriaques, et elle était couchée en langue syriaque. Rehum donc, président du conseil, et Sinsaï, le secrétaire, écrivirent une lettre touchant Jérusalem au roi Artaxerxès, comme il s'ensuit. Rehum, président du conseil, et Sinsaï le secrétaire, et les autres de leur compagnie, Dinien, Apharsathquin, Tarpélien, Arphasien, Arkévien, Babylonien, Susanquin, Déavien et Élamite. Et les autres peuples que le grand et glorieux Osnapar avait transportés, et fait habiter dans la ville de Samarie, et les autres qui étaient de-deçà le fleuve, de telle date. C'est donc ici la teneur de la lettre qu'ils lui envoyèrent, au roi Artaxerxès, tes serviteurs les gens de-deçà le fleuve, et de telle date. Que le roi soit averti, que les Juifs qui sont montés d'auprès de lui vers nous, sont venus à Jérusalem, et qu'ils bâtissent la ville rebelle et méchante, et posent les fondements des murailles, et les relèvent. Que maintenant donc le roi soit averti, que si cette ville est rebâtie, et ses murailles fondées, ils ne paieront plus de taille, ni de gabelle, ni de péage, et elle causera ainsi une grande perte aux revenus du roi. Et parce que nous sommes au gage du roi, il nous serait malséant de voir ce mépris du roi, c'est pourquoi nous avons envoyé au roi, et nous lui faisons savoir qu'il cherche au livre des mémoires de ses pères, et qu'il trouvera écrit dans ce livre des mémoires, et y apprendra que cette ville est une ville rebelle, et pernicieuse au roi et aux provinces, et que de tout temps on y a fait des complots, et qu'à cause de cela cette ville a été détruite. Nous faisons donc savoir au roi, que si cette ville est rebâtie, et ses murailles fondées, il n'aura plus de part à ce qui est au-deçà du fleuve. Et c'est ici la réponse que le roi envoya à Rehum, président du conseil, et à Sinsaï le secrétaire, et aux autres de leur compagnie qui demeuraient à Samarie, et aux autres de deçà le fleuve, bien vous soit, et de telle date. La teneur des lettres que vous nous avez envoyées, a été exposée et lue devant moi. Et j'ai donné ordre, et on a cherché et trouvé que de tout temps, cette ville-là s'élève contre les rois, et qu'on y a fait des rébellions et des complots. Et qu'aussi il y a eu à Jérusalem des rois puissants, qui ont dominé sur tous ceux de delà le fleuve, et qu'on leur payait des tailles, des gabelles et des péages. Maintenant donc, donnez un ordre pour faire cesser ces gens-là, afin que cette ville ne soit point rebâtie, jusqu'à ce que je l'ordonne. Et gardez-vous de manquer en ceci, car pourquoi croîtrait le dommage au préjudice des rois? Or, quand la teneur des patentes du roi Artaxerxès, eût été lu en la présence de Rehum et de Sinsaï le secrétaire, et de ceux de leur compagnie, ils s'en allèrent en diligence à Jérusalem vers les Juifs, et les firent cesser avec main forte. Alors le travail de la maison de Dieu, qui habite à Jérusalem, cessa, et elle demeura dans cet état, jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.